Ah ouais, eh, ça fait. Regarde nos rues, Altes, Neck, Rino, Sofia. Regarde nos rues, partout c'est la même. Ouais, ouais. Mais t'as pas vu leurs yeux, regarde-moi comment ça pue la peine. Le seul amour qu'ils peuvent te donner, c'est déjà noyé dans la haine. À la traîne, depuis l'époque du cartable, diront en orthographe, tu feras le trottoir petite tasse. À leur âge, y'en a combien qui rêvent de strass. Comme aurait dit mon père, fils, tu mériterais une baffe. Et ça se prête à pour des chiennes. Ça rêve de cara, de baraque, de carottes ou de cayenne. Chaque la vie c'est dur, quand ça se réchauffe à l'essence des voitures. La rue c'est le moteur, tu projettes les plus jeunes dans la nature. Tu fais le dur, mais tu pleures quand t'as pas de jouer. Rien ne sert de courir si les keufs ont gardé tes lacets. T'es trop pressé, mais y'a les petits qui grandissent et les grands vieillissent. La vieille trace dans le fond, c'est ça qui traumatise. Entre la tease, l'héroïne et le bédo, la cocaïne, les grossistes, les gratteurs et les macros. Regarde nos rues, les enfants perdus. Regarde nos rues quand elles pleurent du sang. Jour de chance, mais si la roue tourne, elle reviendra sûrement dans le même sens. Regarde-nous, on fait de la musique authentique, rien à faire dans nos rues, alors je me dis autant que je kick. Hey, regarde nos rues, ça se barre en couille, ça s'embrouille, ça dépouille, et au final, ça lâche des douilles. Hey, regarde, y'a trop de gens matérialistes. Quoi, tu me crois pas? Bah alors, matérialise. Regarde dans son regard, il croit que c'est tard. Il tire aux vieilles à la gare, putain, la vie est faite de bâtards. La lumière de la rue est incandescente. Rien que ça fait des descentes, ça descend. Et au final y'a que descendre. Regarde nos rues, la haine nous ken. Et même les petites 14 piges maintenant se butent à la haine ken. Regarde nos rues, même tes potes tant que sont podcast. Et après ça ils ont le courage de dire que c'est tes podcast. Regarde nos rues, les enfants perdus. Regarde nos rues quand elles pleurent du sang. Fier de ce que je suis, la rue m'a fait suivre son cours. On se fait flasher au flashball, c'est pas cool. À cause de la drogue et de l'argent, le sang coule. La vie m'a effrayé, donc j'ai crié à ma naissance. Encore en vie, donc je prie pour ma reconnaissance. Comme toi, j'ai des problèmes qui empirent, mais empirent. J'ai appris que c'est pas l'arme qui tue, mais celui qui tire. J'ai la haine, et c'est ma fête qui subit. Pas la peine de parler de gueule ou de mort subie. Mes 20 ans m'attendent, écoute, sois pas distrait. Je veux des thunes, j'ai des armes et plutôt discret. J'écoutais pas les conseils de mes grands frères. J'ai tout niqué jusqu'à ce qu'on m'appelle le gangster. Je regrette pas ce que j'ai vécu. C'est le mec double et j'ai l'islam comme vertu. Regarde nos rues, les enfants perdus.